We'll be right back. Si les mots pouvaient changer l'avenir, sans hésitation je pourrais choisir ceux qui ont la force de guérir les âmes innocentes que l'homme veut détruire. Un coup de mensonge. Si les mots pouvaient tout effacer, de ce drame elle pourrait tout oublier. Jamais vu ses mains qui laissent tant de traces dans ce petit cœur qui soudain se casse. Un coup de mensonge. Que l'on me retienne, que l'on me retienne. Je meurs ici-bas, je meurs ici-bas. Échanger ma haine contre des milliers de joies. Je sais ce silence, ces silences, ce regard si froid, si froid. Comme une évidence, la sauver de ça. Si les mots pouvaient éclairer ses nuits, d'un poème j'illuminerais sa vie. Jamais plus ces ombres qui passent au beau milieu de la chambre d'en face. Pour un mensonge. Si les mots pouvaient réchauffer son cœur, de ses lignes elle pourrait brûler ses peurs. Pour peu qu'un jour elle ne pardonne, en s'abandonnant dans les bras d'un homme. Sans coup de mensonge, sans coup de mensonge. Que l'on me retienne, que l'on me retienne. Je meurs ici-bas. Échanger ma haine contre des milliers de joies. Je sais ces silences, ces silences, ces regards si froids, si froids. Comme une évidence, la sauver de ça.